Dans chaque quartier de l'ville, on trouve leur dos aujourd'hui. Faut plus faire cuisine, vous avez tout bien cuit. On vous donne de la bonne soupe, de la viande au premier coup. Sans couler comme un gel qui s'y est, sans portion pour un sou. Fourneau économique, c'est une bonne invention. Trouve viande toute cuite, aussi du bon bouillon. Chez Monsieur Danouville, l'ont fort bien pensé. D'un 20 échelle cuisine, pour les pauvres vous verriez. Nous pourrons faire bonne chère, sans coûter trop d'argent. Si on a de l'misère, ça donnera du soutien. Fourneau économique, j'ai une bonne invention. Trouve sur le tout de suite aussi du bon bouillon. Dans la rue du Béguinact, quand l'heure est arrivée, j'ai comme un vrai pillage. Pour être servi le premier, faut vire tout chez femme. Avec tout le bidon, courir à perte haleine. Pour avoir chez portion fourneau économique, c'est un bonne invention. On trouve viande toute cuite aussi du bon bouillon. Toucher femme de ménage, le son plus hygiéné. Pour faire le tripotage, tous les jours au dîner, vont pas avec le marmite. À chez nous vieux fourneau, on peut manger tout de suite. Car j'ai tout dit bien qu'au fourneau économique, j'ai une bonne invention. Trop viande toute cuite aussi du bon bouillon. Je raconte qu'au maire, l'autre jour au dîner, elle me dit ma compère, fêtier que bon manger. Je crois que si on continue à donner chez portion, vous me verrez jamais plus à caler du carbone. Fourneau économique, j'ai un bonne invention. On vous sient tout de suite aussi du bon bouillon. En attendant, je l'affaire. J'ai retourné à Amazon, vite j'attrape ma peau de fière. J'profite de l'occasion, nous avons bien mangé. Ni ma femme et mes enfants, je ne peux point me rappeler. Quand que j'avais aux mains, j'ai tant fourneau économique. J'ai tant de bonne invention. On trouve sur un coup de cuite aussi du bon bouillon. J'éteins, c'est quoi utile? Je le répéterai tout dit. Pour aider les familles, surtout leur d'aujourd'hui. Car tout chacun vous sert, j'ai tout bon et tout bio. Pour soulager le misère, vive les nouveaux fourneaux. Le fourneau économique, j'ai une bonne invention. On trouve bien tout de suite aussi du bon bouillon. Fourneau économique, j'ai une bonne invention. On touche un peu de cuite aussi du bon bouillon.